L'actualité à Nancy et ailleurs. Tout est là. Enfin presque, c'est une exposition à voir jusqu'au 28 octobre à l'hôtel du département de Nancy. 6 artistes plasticiens de Meurthe-et-Moselle, parmi eux l'Aglo. Bonjour. Bonjour Yves. Nous vous avions déjà eu pour votre exposition cette année, c'était avec Element. Exactement, c'était une exposition à la maison du département. C'était en début d'année, c'est en lien bien sûr avec l'exposition qui commence un peu ce soir. Exactement, c'est en lien dans le sens où c'est une exposition qui a toujours un rapport avec le département, en l'occurrence qui se trouve à l'hôtel du département de Nancy. Un bâtiment très très intéressant d'ailleurs, qui est un ancien hôpital militaire, restructuré, réaménagé à la sauce moderne, avec un grand hall principal. Et en l'occurrence, dans ce hall principal, 6 artistes dont moi-même, vont exposer du 12 septembre au 28 octobre 2022. Juste pour revenir sur votre exposition début d'année, comment ça s'était passé ? Ça s'est bien passé, j'ai eu plutôt des retours positifs, donc bonne expérience. Voilà. Moi je fais de la peinture, en l'occurrence peinture sur bois. On va avoir l'occasion une nouvelle fois de redécouvrir quelques œuvres, peut-être pas toutes là. Une nouvelle série en l'occurrence, en ce qui me concerne, donc toujours une série de peinture sur bois, où le but du jeu est de mettre en lumière des morceaux de textes et de journaux que j'ai récupérés qui viennent de Corée et de faire prendre conscience au public que quand on ne connaît pas la langue, c'est compliqué de décrypter un peuple et au-delà, même si on comprenait la langue, ça peut rester très technique de décrypter un peuple ou une civilisation. Cette exposition ce soir, c'est l'occasion de découvrir une autre partie de votre travail, donc exactement. Pas forcément une redite de ce qui a été vu en début d'année. Ce sera peut-être aussi le cas pour les 5 autres artistes meurthe-et-mosellans qui seront là. Je vais les citer. Il y a Sophie Bonnet, Roland Germain, Félix Klagerman, Aline Roussel, Laetitia Viratel et donc vous, l'Aglo. Aline Roussel, qu'on avait aussi eu l'occasion d'accueillir dans nos studios pour parler de cette exposition. Donc là aussi, quelques œuvres qu'on va pouvoir retrouver de cet artiste. Des œuvres très sympathiques. Aline Roussel, elle fait de la photographie. Photographie assez particulière, en fait. Elle se sert de végétaux qu'elle récupère en forêt pour les faire imprimer le matériel photographique, comme de la photo argentique, en fait, mais sans appareil photo, en fait. Un peu comme caméra obscura, ce qu'avait inventé Léonard de Vinci, en l'occurrence. Voilà pour le travail d'Aline Roussel. Un mot rapide sur les autres artistes présentés. Donc, Sophie Bonnet, par exemple. Alors Sophie Bonnet, elle fait du dessin, donc c'est un travail qui s'appelle Lignes et Formes, où en l'occurrence c'est du dessin sur papier avec uniquement des lignes. Elle met en lumière des formes humaines, c'est assez magnifique à voir. Il faut se rendre compte du volumique qui en ressort, c'est très très intéressant. De la peinture, de la photo, du dessin, Roland Germain. Alors Roland Germain fait une série qui s'appelle Géométrie variable. C'est de la peinture et c'est très intéressant en termes de couleurs, des couleurs très chaudes, des oranges, des rouges, des tons d'ocre, des marrons. Voilà, ça embaume une pièce, ça l'apaise, c'est assez impressionnant à voir. Félix Klagerman. Félix Klagerman fait une série qui s'appelle Independently Blue et qui fait en fait des toiles assez gigantesques, des toiles qui font plus de 6 mètres. Et donc qui lui permettent dans ce genre de lieu de pouvoir exposer parce qu'il ne peut pas malheureusement exposer partout. Et en l'occurrence, il fait un décryptage presque photographique, j'ai envie de dire, de pas de danse en fait, où il se met en lumière avec des pigments spécifiques. Voilà, un travail très décortiqué, très très intéressant. Et enfin, Laetitia Viratel. Alors Laetitia Viratel fait une série de ce que je pourrais appeler de la sculpture, une série qui s'appelle Masque. Et en fait, elle fait des masques qui pourraient presque être des masques tribaux à une sauce moderne. Donc très très dans le souci du détail, des petites dentelles, des plumes, des objets divers et variés avec des fois des crânes, des fois des genre masques de Venise. Très très très en couleur avec le souci du détail et des contrastes très très bien mis en lumière. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre, c'est aujourd'hui le vernissage de cette exposition. Exactement, à 18h le vernissage, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce temps fort ? Ça représente quoi quand on est artiste, un vernissage ? Ça représente un moment de communion avec le public, en fait. Ça va permettre, en plus, là, sur une exposition collective, de faire découvrir à des gens qui vont peut-être venir voir une partie bien particulière, de leur faire découvrir une autre partie de l'exposition et de les faire s'intéresser à autre chose, car il y a beaucoup de supports différents. Il y a plusieurs supports en termes de peinture, il y a de la sculpture. Le mieux, ce sera de se faire une idée en allant assister à cette exposition. On l'a donc, je le répète, jusqu'au 28 octobre pour aller la voir à l'hôtel du département de Nancy. Par rapport à ce dispositif proposé par le conseil départemental, vous en retirez quoi ? On en retire déjà un lieu d'exposition, c'est déjà pas évident, surtout la période post-Covid où tout a été annulé et que du coup il y a des listes d'attente assez longues pour pouvoir exposer. On expose dans un lieu qui est assez gigantesque, j'ai envie de dire. Il y a quand même pas loin de 800 personnes qui travaillent là-bas. C'est un lieu de passage, donc on en retirera forcément quelque chose de visuellement intéressant pour les spectateurs qui sont là, qu'ils soient des gens qui travaillent ou des gens qui sont juste de passage. C'est très très intéressant. C'est un conseil que vous pourriez donner à un jeune artiste aussi, s'il y a une opportunité comme ça proposée de sauter sur l'occasion. Bien sûr, carrément. Quel que soit le lieu où on expose, justement, c'est l'intérêt de changer de lieu. On passe d'un bâtiment administratif à un bar, à une salle d'exposition. C'est pas du tout les mêmes publics qu'on touche. C'est à la fois ludique et c'est formateur pour nous, quoi. Et puis c'est formateur en termes de culture pour le public, quoi. Donc là, vous allez présenter de nouvelles œuvres à l'hôtel du département. Vous avez d'autres projets à venir déjà, d'autres expositions peut-être? J'ai une exposition au mois de novembre, fin novembre, au Bouclard. Donc c'est un petit bar associatif qui fait café et qui fait lieu d'exposition, où les œuvres sont en vente. Et au mois de mars, dans un bar qui s'appelle Au Père Peinard, en plein centre de Nancy. Et on rappelle là que vous exposez donc jusqu'au 28 octobre en compagnie de Sophie Bonnet, Roland Germain, Félix Klagenerman, Aline Roussel, Laetitia Viratel et donc vous Laglo à l'hôtel du département, 48 Esplanade de Jacques Baudot, c'est à Nancy. Tout est là. Enfin presque, c'est à voir du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 et l'entrée est libre. Exactement, exactement. L'entrée est libre, vous êtes les bienvenus et on vous attend très nombreux. Merci Laglo. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.